Where we tell them, T show that, to tell the girl something on Wally. Oui, oui, tanta, tanta. Depuis mon arrivé, bah la mine en chou, pas fait sec, une touche, c'est venu pour tout. T'es femme, où soit, y'en a pas tout tout. Massage, j'y baguette la tout doux. T'es femme, go dans l'eau, et ben t'as chaud tout. Fais sa gauche, t'as fait, c'est go domino. N'a pas de rideau, même cocato. T'es femme, où soit, y'en a une pété d'eau. N'a une pété d'eau, n'a une pété d'eau. T'es femme, où soit, y'en a une pété d'eau. N'a une pété d'eau, n'a une pété d'eau. T'es femme, où soit, y'en a une pété d'eau. N'a une pété d'eau, n'a une pété d'eau. T'es femme, où soit, y'en a une pété d'eau. N'a une pété d'eau, n'a une pété d'eau. T'es femme, où soit, y'en a une pété d'eau. T'es femme, où soit, y'en a une pété d'eau. Si ou pas gros, prenez photo. Coco, papette ta femme, check moi les ou dispo. Mon cas descend toute l'année de bas pour tout. T'y femme baissé, bâti femme ton choto. Mon cas venu pour croiser bordard beau. Tic tac tic tac, fais brenne sa chou. Oui, mais mon t'y femme ou papa picho. Depuis mon rivé, bah la mine en chou. Pas fait sec, une touche, check venu pour tout. T'y femme ou soit y'en a pas pas tout tout. Massage, bon baguette à tout tout. T'y femme go dans l'eau, et ben ton choto. Fais sa gauche, d'autres fesses, go domino. N'a pas d'un rideau, même cocato. T'y femme ou soit y'en a une pété d'eau. Mon t'y m'en pigeon ou qu'a fait ça. Ma t'y bon, ta ouais, vais soukoué ça. T'y femme assise à les baguette là. Di mwen jè mal, mwen ni bala mi pou mwen fè pet fò. Ti fòm mate la pou mwen tapè sa. Mwen dosè asis an lè bè la. Ti fòm mate pou mwen fè bat bon dao. Depi mwen rive bala mi nan chou. Pa fè sek ou tou, chèk vini pan tout. Ti fòm ou soye an apò pat tout tout. Massage ik bon bagè la tout do. Ti fòm go dang lo, evè tot chò tout. Fè sa gòj do fè se go domino. Na bat an dido, mèm ko kato. Ti fòm ou soye an avin pété do. Na vin pété do, na vin pété do. Ti fòm ou soye an avin pété do. Na vin pété do, na vin pété do. Ti fòm ou soye an avin pété do. Na vin pété do, na vin pété do. Ti fòm ou soye an avin pété do. Na vin pété do, na vin pété do. Ti fòm ou soye an avin pété do.